Allons prier ensemble sur le bien avant de commencer. Notre Père du ciel, nous sommes surpris, éblouis, je devrais dire, par le fait que ta parole, qui est âgée de milliers d'années, est encore vraie, est encore exacte, est encore adéquate pour nos vies aujourd'hui. Ce que nous disons, nous, des fois, quelques années après, c'est désuet. Mais la vérité reste toujours. Nous te demandons que ta parole puisse agir en nos cœurs ce soir et qu'elle puisse nous changer au niveau de notre intelligence, afin qu'on comprenne mieux qui tu es, qu'on comprenne mieux ton œuvre, qu'on comprenne mieux ta gloire et qu'on puisse mieux te présenter autour de nous. Bénis ce temps d'étude et qu'il puisse servir à l'avancement du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Agé, vieux prophète, petit prophète de l'Ancien Testament. Et Agé a été envoyé nous, quand on va faire l'évangélisation, on part toujours avec l'espérance de rencontrer quelqu'un qui est ouvert. Hein. Mais souvent, les prophètes de l'Ancien Testament étaient envoyés envers le peuple, sachant qu'ils ne seraient pas ouverts. C'est comme si Dieu nous dirait, va parler au voisin, mais il n'écoutera jamais, mais il va lui parler pareil. Et on trouverait ça peut-être un peu plus dur. Hein. Isaïe elle s'est fait dire, ce peuple, il te courait, il n'écouterait pas. Jérémie a dit, il a dit à Jérémie, ils n'écouteront pas ce que tu vas dire, mais va leur dire quand même. Et ça nous montre une idée que même si Dieu sait que les gens n'écouteront pas, il prend pour une raison que des fois j'ignore, d'aller leur dire pareil. Puis une grande partie de notre labeur en tant que chrétien, c'est d'avertir les gens, de donner l'évangile aux gens qui ne vont jamais se convertir, parce qu'on sait que c'est la petite minorité qui va se convertir. Mais pourtant, Dieu dit « annonce l'évangile à tout le monde ». Et c'est probablement les mêmes raisons que dans l'Ancien Testament, où ce qu'il pouvait dire à des prophètes, « parle-leur, même s'ils n'écoutent pas, je veux que tu leur parles pareil ». Donc, comment Dieu va se servir de tout cela dans sa sagesse et dans sa science à travers l'éternité? Lui seul peut tout comprendre, ces choses-là. Mais je ne suis pas surpris que nous autres, aujourd'hui, il nous fasse annoncer l'évangile à tellement de gens qui n'écouteront jamais, qui ne se convertiront jamais. Je me souviens que j'étais jeune chrétien, je disais au Seigneur, « Pourquoi tu ne me le montres pas, c'est qui? Je vais aller à la bonne place. Je ne perdrai pas de temps. Pourquoi aller parler à tant de monde? Tu sais, faire 300 portes quand il n'y en a même pas une qui va répondre. Pourquoi tu ne m'envoies pas la celle qui va répondre directement? » Mais j'ai continué à faire mes 300 portes. Et il ne m'a jamais dit où aller. Parce qu'il y a une raison derrière ça. Puis je crois qu'une des raisons, c'est nous. Une des raisons, c'est nous. Il y a des leçons à apprendre. Il y a des choses à apprendre en faisant ce travail-là. Il y a de la foi en action, je pourrais dire, à travers tout cela. Il y a de l'obéissance en action, que Dieu dit, vas-y, fais-le. Et même si on ne comprend pas toutes choses, on le fait. Il y a des raisons. Je ne connais pas toutes les raisons, mais il y en a. Et Agé était un de ceux-là aussi, sachant que Dieu l'envoyait et qu'il ne savait pas qu'est-ce qui se passerait là avec les autres. Et on a vu ensemble que Agé, j'étudie Zachée à quelques reprises. Hein? Agé était envoyé à Israël et après qu'Israël soit revenu de Babylone, revenu de son esclavage, revenu de sa punition, okay? Parce qu'il avait été idolâtre, il s'était tourné vers des dieux. Dimanche, on a parlé un petit peu vers l'Égypte. Des fois, c'était vers l'Égypte. Des fois, c'était vers la Syrie. Des fois, c'était vers la Babylone. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passait à ce temps-là dans des peuples de guerre. Israël était un petit pays, pas une grosse puissance d'armée et militaire. Donc, quand la Syrie venait pour les attaquer, ils allaient en Égypte, puis ils engageaient de l'armée. Ils payaient pour que l'armée vienne se battre avec eux autres, pour battre les Assyriens. Et c'est comme ça que ça se passait. On engageait des mercenaires, on pourrait dire. On payait des. Et des fois, ils s'engageaient à payer, mettons, 100 millions pendant 100 ans. T'sais, puis ils donnaient des montants d'argent énormes à l'autre peuple pour venir les libérer. Et souvent, ce qui arrivait, que l'autre peuple les prenait en esclavage, au lieu que ce soit l'autre, ils les battaient sur leur propre terrain après ça. Donc, Dieu dit, vous calez vous-même quand vous faites ça. C'est moi qui peux vous aider. Et si je ne vous aide pas, j'ai mes raisons. Vous devez accepter. Et ils sont revenus, Dieu nous a ramené un groupe en Israël, et on a vu ensemble qu'ils ont donné une somme d'argent que les gens ont donné, puis que le roi leur a donné le mandat, Dieu m'a apparu, votre Dieu m'a apparu, il m'a parlé, puis il a dit, retournez en Israël, bâtir ma maison. Il arrive là, il commence, mais il arrête. On a vu qu'ils ont dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas arrivé. Ce n'est pas le bon temps. Ils ont arrêté cela. C'est là que Agé va intervenir. Dieu envoie Agé, il dit, Agé, tu vas aller parler à mon peuple, parce que là, je leur avais donné une mission, puis ils l'ont arrêté. Puis ils sont assez bons qu'ils se sont convaincus qu'il y avait raison d'arrêter. C'est comme ça qu'on fait, hein? On se donne toujours une raison valable de faire autre chose. Hein? Donc, il dit, Dieu, ils envoient. Et on voit que Agé est venu, et il leur a parlé, et il a dit, vous avez changé la priorité. Vous aviez une priorité, vous l'avez abandonnée. Votre priorité que Dieu vous avait donnée, c'était de bâtir la maison. Et au lieu de faire ça, vous avez commencé à bâtir vos maisons. Et vous avez pris l'argent que je vous avais donné pour le temps et vous vous êtes fait des maisons en place. Et c'est à ça la raison fondamentale qu'il n'osait pas dire que si on lisait Esdras puis d'autres livres qui sont dans le même temps. Il donne toutes sortes de raisons, c'est à faute de lui, c'est à faute de. Mais la vraie raison que Dieu leur dit, vous êtes en train de vous bâtir des maisons, c'est ça que vous êtes en train de faire. Donc, ils avaient changé leur priorité. Il y a toujours juste deux choix. Vous remarquez ça dans votre vie et dans la vie de tous les gens que vous côtoyez. C'est Dieu ou c'est moi. C'est jamais autre chose. C'est pas ma femme, c'est pas mes enfants, c'est pas l'école, c'est Dieu. Ou moi. C'est toujours comme ça. Des fois, on va se donner, je fais ça pour les autres. Non, non, c'est Dieu ou moi. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et si on ne le fait pas pour Dieu, on ne faut pas se mentir à soi-même et dire, je fais ça pour ma femme, je fais ça pour mes enfants. C'est pas vrai. C'est toujours pour soi qu'on le fait. On se dit ça parce qu'on se sent mieux là, quand on dit que c'est pour les autres. Ça paraît moins égocentrique, ça paraît moins charnel, si je peux appeler le mot, comme ça. Moins désobéissance à Dieu, parce que là, ça paraît bien. Des fois, même, on va dire, je fais ça pour le Seigneur. On va même oser dire, je fais ça pour le Seigneur. C'est même pas vrai, c'est pour nous. Parce que, faut toujours dire, en tout cas, pour moi, c'est comme ça, je me dis, si je ne fais pas pour Dieu, je suis certain que je ne le fais pas pour un autre. Parce que Dieu est bien plus important, Dieu est beaucoup plus grand, Dieu est beaucoup plus puissant, Dieu me fait tellement de bien. Tu sais, Dieu a tout fait pour moi. Si je n'ai pas assez de cœur, entre guillemets, pour le faire pour lui, je ne le ferai certainement pas pour d'autres. Je vais le faire pour moi. C'est pour ça que dans cette semaine, vous allez voir, à quelques reprises, les prophètes vont dire, moi et rien que moi. Ils vont répéter ça à plusieurs reprises. Et c'est moi et rien que moi. Me, myself and I, comme on disait en anglais. Moi, moi-même et moi, je, c'est toujours. On est égaux. Le mot égo, c'est moi, et c'est égocentrique. On est centré sur soi-même depuis la chute du péché. Donc, et c'était encore ça. L'histoire de l'humanité, c'est toujours la même. On la voit dans le jardin, jusque dans l'Apocalypse, c'est toujours la même chose. L'être humain s'est mis au centre de la cible. Il s'est mis comme étant la raison d'être. C'est lui qui est important. C'est lui qui veut être servi, c'est lui qui est la priorité. Et il va même jusqu'à utiliser Dieu pour essayer d'avoir ce qu'il veut. Il est rendu tellement égo qu'il utilise même Dieu pour arriver à ses fins. Il pense, en tout cas, de pouvoir le faire, ça. C'est pour ça que quand le vrai Dieu n'a pas embarqué dans la chinoisie de l'être humain, il s'est fait d'autres dieux. Puis là, il essaie d'avoir ces dieux-là qui s'est fait pour. Donne-moi des bonnes récoltes, donne-moi une bonne femme, donne-moi de la santé, donne-moi des enfants. On a mis des dieux pour se faire servir automatiquement, parce que le vrai Dieu n'a pas embarqué pas tomber dans le panneau, comme on dit en québécois. Donc, ici, Dieu va appeler, à travers Agé, va appeler le peuple à changer, à revenir à la bonne priorité. Et ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'il ne se tanne jamais. Jusqu'à temps qu'on ait les deux pieds dans la tombe, que ça finit. Jusqu'à la fin de nos jours, les gens qui n'ont pas pris la bonne priorité, il va les appeler constamment, de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières. Il ne va jamais se tanner pour les rappeler, reviens, reviens, reviens, reviens, reviens. Donc, c'est là qu'on est à soi. Il appelle le peuple à changer. Qu'est-ce qui vous pousse à faire des changements dans votre vie? Qu'est-ce qui vous pousse à faire des changements? Ça peut être des changements moraux, ça peut être des changements spirituels, ça peut être des changements émotionnels, ça peut être des changements monétaires, ça peut être des changements de carrière. Qu'est-ce qui nous pousse à faire des changements dans notre vie? Tu veux dire de l'inconfort ou de la souffrance? Oui, ça peut être. C'est qu'on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, ça peut être de l'inconfort, ça peut être. J'ai plus de joie à le faire, ou ça me fait mal même de le faire, je souffre, donc je veux changer. Ça, c'est une, j'ai marqué ça, mais les effets négatifs dans notre vie. Il y a des choses qui, on faisait quelque chose, maintenant ça nous fait des choses négatives, et donc on veut changer à cause de ces choses négatives-là. Tu as d'autres choses? Il y en a qui peuvent faire ça pour découvrir du nouveau. Oui, j'ai marqué ici le changement pour avoir des effets nouvelles ou positives, pour vouloir faire autre chose et pour vouloir découvrir, avoir des défis. On trouve ça plate de faire quelque chose. Il peut vouloir changer pour plaire à quelqu'un. Ah, c'est marqué ça, le désir de plaire. On va changer pour plaire aux gens. Ça nous tente pas, mais si je le fais pas, mais. Mais quand j'ai rencontré Denise, j'ai embarqué sur des pistes de danse pour lui plaire, parce que je ne dansais pas. Puis quand je l'ai eu attrapé, puis je me suis marié, j'ai arrêté de danser, ça n'a pas été long. Puis elle avait embarqué sur les chevaux pour me plaire, parce que moi j'étais acheté les chevaux, j'étais un gars qui avait un rêche. Puis aussitôt qu'on a été mariés, les chevaux étaient le bord aussi. T'sais. On fait des choses pour plaire, et on fait des choses pour attirer. Et j'ai marqué aussi pour être aimé. C'est un peu la même chose. Pour être accepté des gens. On va changer les choses pour être accepté des gens. On va changer les choses pour une valeur, notre valeur personnelle. Il y a toutes sortes de choses qui vont nous amener à changer. Et ce soir, on va voir, le peuple d'Israël va faire un changement. Il va prendre une décision de changer. Et dans notre vie chrétienne, on va aussi prendre des décisions de changer des choses dans notre vie. Qu'est-ce qui nous motive à changer? Toutes ces choses-là qu'on vient de nommer sont encore là dans notre vie chrétienne. Même si on est là en tant que chrétienne, on va faire des choses, on va changer des choses spirituelles et morales avec des raisons plus ou moins valables. Et le changement se fait, mais il reste péché. C'est ça qui est le plus désarmant. Des fois, on pense avoir changé, puis dire, hey, maintenant, j'ai changé, je ne fais plus ça. Mais la raison pour laquelle on a changé n'est pas valable, et ça veut dire que ça reste péché. Parce que ce n'est pas l'action qui est péché, c'est la raison, le motif intérieur, le cœur. C'est ça que Dieu va dire, moi, je regarde au cœur. Vous autres, vous regardez à l'extérieur, moi, je regarde au cœur, et ton cœur est resté le même. Donc, changement, ça vaut zéro. Pour lui, c'est zéro. Les gens vont dire, ah, il a changé beaucoup. Il a changé. J'ai vu ça souvent en tant que chrétien. Ah, il a changé beaucoup depuis qu'il est devenu chrétien. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Des fois, il a changé le comportement. Comportement acceptable dans l'Église. Comportement acceptable pour le conjoint qui est chrétien. Comportement acceptable pour les frères et sœurs. Des changements. Moi, j'ai fait des changements dans ma vie pour pouvoir être prédicateur, parce que dans mon église, pour être prédicateur, il fallait faire certaines choses. Puis même si je ne trouvais pas ça vraiment important, puis il me semble que ce n'était pas ça que je voulais, mais je l'ai fait parce que je voulais être prédicateur. Donc, on fait des choses pour plaire, pour être accepté, pour avoir des valeurs, pour avoir des choses qu'on veut dans la vie. Donc, mais pour Dieu, toutes ces raisons-là sont pas bonnes. Et c'est là que des fois qu'on se trompe soi-même, on se leurre, pensant qu'on a changé, puis on n'a pas changé. Il y a des gens qui vont arrêter de faire je sais pas, certaines actions qui considèrent comme péché, et puis vont en commencer d'autres pour compenser. Mais cela est acceptable dans le milieu qui vit, c'est moins mal perçu. Exemple, quelqu'un fume, dit, je vais arrêter de fumer, mais il va se mettre à manger, mais il n'a pas réglé son problème qui était derrière ça. Okay? Donc, il n'a pas changé le problème, il a juste changé la façon de faire face à son problème. Donc, le chrétien qui se sentait, qui ramassait de l'argent en banque parce qu'il se sentait insécure, des fois, il va arrêter de le faire, mais il va chercher d'autres choses dans sa vie chrétienne pour le sécuriser. Mais il est encore insécure. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien regarder, dire, qu'est-ce qui fait que je vais changer? Qu'est-ce qui fait que je vais changer? Puis Dieu ici va appeler Israël à changer. Israël va changer, mais ses raisons ne sont peut-être pas la bonne. Mais en tout cas, Dieu lui appelle à faire un changement qui est valable. Okay? Et on va voir ce changement, parce qu'ils ont commencé à bâtir leur maison, puis on va les voir. Ils vont abandonner ça, puis ils vont commencer à bâtir le temple. Okay, donc, il y a eu un changement. Qu'est-ce que fait ce changement-là dans leur vie? Maintenant, plus tard, on regardera si le changement était valable ou pas, mais là, ils vont faire un changement. Okay? Le changement va être fait. Puis Dieu, dans sa grâce, nous connaît, puis il ne nous aime pas moins à cause de tout ça. Là. Ça n'a pas rapport avec l'amour de Dieu, ça n'a pas rapport avec le fait qu'il nous accepte. C'est juste que nous, on ne jouit pas totalement de ce qu'il voudrait qu'on jouisse. Mais lui, il nous aime quand même, puis notre salut est encore là, puis son amour est inconditionnel. Mais il voudrait qu'on ait de la paix, de la joie intérieure, mais vu que le péché est encore là, il n'est pas changé, tu dis, bien, je me sens, je l'ai changé, mais je me sens que je ne suis pas plus heureux, je me sens que ça ne va pas mieux. Mais non, parce que ça n'a rien fait dans le fond, à l'intérieur. Donc, dans la partie du verset 12, on va regarder des étapes qui les amènent à faire un choix. Le choix de changer, de arrêter de bâtir une maison, puis de bâtir la maison de Dieu. Okay? Verset 12. Zorobabel, fils de Shéthiel, Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission qu'il lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple, de tout le reste du peuple. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Donc, le changement se fait. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement-là chez eux? Premièrement, au verset 12, ils entendirent la voix de l'Éternel. Hein? Dieu s'adresse à eux, ici, à travers le prophète Jehoshé, mais Dieu s'adresse à eux. Et on ne sait pas tout comment Agé, y a-t-il des visions, y a-t-il des songes, on ne sait pas trop. Mais Dieu y a dit quelque chose, et eux autres vont, lui va vers le peuple, et il dit, la mission que Dieu m'a donnée, c'est ça. Et je vais vous répéter les paroles de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, ou voici ce que l'Éternel m'a donné, voici l'ordre que j'ai reçu de Dieu, et je vous la donne. Et le changement en nous doit toujours être provoqué ou stimulé par la parole de Dieu, par un envoyé de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, par un enseignement de la parole de Dieu, par un livre que je lis sur la parole de Dieu, par un CD que j'écoute, par une cassette que je reçois, n'importe quoi. Mais ça vient de la parole de Dieu. Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, Ça veut dire que le changement ne se fera pas. Mais parce que quand on fait un changement, la tendance, c'est quoi? C'est de retourner à nos vieilles habitudes. Hein? Et si ça ne vient pas de Dieu, ça ne veut pas dire que ça ne va pas toffer longtemps, ça peut toffer longtemps. Mais à un certain moment donné, où est-ce que la tentation ou le désir de retourner en arrière, si ce n'est pas Dieu qui nous l'a dit, on va pouvoir changer. Ah, oh, M. François qui a dit ça. Ah, oh, M. ma femme qui a dit ça. Ah, oh, M. mon mari qui dit ça. Mais ça, on peut l'abandonner, ça, c'est pas grave. Mais quand c'est Dieu qui l'a dit, là, c'est notre histoire. Dieu n'a pas changé d'idée, lui. Dieu a dit la vérité, lui. Et ma femme me demandait ça, mon mari me demandait ça, mon boss me demandait ça. Lui, c'est pas sûr qu'il veut mon bonheur, mais Dieu veut mon bonheur. Ça, je peux être sûr de ça. Il veut mon bien. Donc, parce que quand tout s'écroule autour de nous, les seules bouées qui nous restent, c'est Dieu a dit. Dieu a dit. C'est juste ce qui nous reste, tu vois, il ne nous reste rien d'autre. Tout s'écroule, puis il me semble qu'on avait fait pour bien faire. Il me semble qu'on a fait le mieux qu'on pensait. Mais si ça ne vient pas de Dieu, on n'aura rien pour s'accrocher. On va s'écrouler. Mais si ça vient de Dieu, parce que Dieu m'a dit, bien, je l'ai fait. Et je voudrais s'accrocher. J'ai fait le bon choix, Dieu m'a dit. Les conséquences, j'en suis pas au contrôle, mais Dieu m'a dit, je l'ai fait. Et là, on a une certaine paix intérieure, on a de la joie intérieure, on a un réconfort intérieur parce que Dieu nous avait dit de faire ça. Attention, il ne faut pas dire que Dieu a dit de faire ça s'il ne l'a pas dit. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on voudrait que Dieu nous dise, puis il ne nous dit pas. Il nous laisse des choix. Mais ce que je parle ici, c'est les principes de base. Ici, Dieu avait dit, retournez bâtir ma maison. Ça, c'est en clair, c'est apprécié. Il n'avait pas dit combien d'heures travailler, où travailler, quelle sorte de métier faire, mais ils sont tournés. Les chevrons, les soudeurs aux soudures, puis les ouvriers à leur charpente, puis en tout cas, les horticulteurs, le fleur, ils ont tourné à leurs affaires. Mais ils pouvaient dire, ouais, ça ne marche pas, mais Dieu m'a dit de bâtir, je bâtis. Je peux me tasser de deux pieds, si tu veux, mais Dieu m'a dit de bâtir, je bâtis. Vous ne voulez plus bâtir? Dieu me dit de bâtir, je bâtis. Vous abandonnez tout? Dieu me dit de bâtir, je bâtis. Donc, c'est des fois, c'est juste ça qui nous reste pour s'accrocher à quelque chose dans les moments les plus troubles de nos vies. Les plus troubles de nos vies. Et je vous garantis, des moments troubles, il y en a. Il y en a. De tout le temps. Et c'est qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que je suis en train de faire là que Dieu m'a dit? Et si je me rends compte que je suis en train de faire quelque chose que Dieu ne m'a pas dit, bien, fais juste le reconnaître. C'est pas Dieu qui m'avait dit ça. C'est moi qui voulais faire ça. C'est ma femme qui fait ça. C'est mon mari. C'est mon boss. C'est la pression sociale. Seigneur, je reconnais. J'ai fait une gaffe. Et on recommence. On ne s'apitoie pas. On ne se détruit pas. On s'aperçoit que ce n'est pas Dieu qui l'avait dit. Et on reconnaît. J'ai fait une erreur. Puis on recommence. Et là, on cherche ce que Dieu a dit. Cette fois-là. Mais l'application de ce que Dieu a dit, ça, pour toi, c'est une chose, pour toi, c'est une chose, pour toi, c'est une chose. C'est individuel, ça, c'est personnel. Et c'est église. Chaque église peut prendre des choix différents. OK? Donc, Dieu a dit ça. Ils ont entendu la parole de Dieu. Dieu leur a dit quelque chose. Pour eux autres, ce que Agé a dit, c'était comme si Dieu l'avait dit. Il n'y avait pas de... Dieu sera là en pleine face, puis il aurait dit la même chose. Et pour nous autres, il n'y avait pas de questionnement. Et pour nous autres, aujourd'hui, qui sommes des millénaires plus loin, on a juste une chose, c'est la parole de Dieu. On n'a pas d'autre chose. Pas d'autre chose. Il n'y a pas d'homme qui peut se confier là-dessus, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de livre. Si le livre parle, il faut qu'il parle de Dieu. Si le prédicateur prêche, il faut qu'il parle de Dieu. Si quelqu'un enseigne, il faut qu'il enseigne la parole de Dieu. Sans ça, ça ne fait pas de sens. Donc, il faut toujours, quand vous allez faire un changement, quand on fait des changements dans notre vie, dire qu'est-ce que Dieu a dit qui me pousse à faire ce changement-là? C'est pas mal faire un changement pour ma femme. Pas mal. Mais c'est pas Dieu qui me le dit. C'est Dieu, si je décide de changer ma coupe de cheveux pour ma femme parce qu'elle aime les cheveux longs, les cheveux courts, c'est correct. C'est pas un problème, ça. Mais je suis pas obligé. Si je décide de changer d'idée dans deux semaines, alors ça me tente les cheveux longs, je les coupe encore une fois. Ben, je ne fais pas un péché, là. Je n'ai pas fait un péché, de coup, parce que je change d'idée. Mais si Dieu m'avait dit, tu vas te laisser pousser les cheveux, ah ben là, ça serait une autre histoire. Donc, fais des changements pour la tradition, pour toutes sortes d'affaires, c'est correct. Mais il ne faut pas dire, Dieu a dit. Il faut juste dire, ça, je le fais parce qu'il me semble que ça serait une bonne chose à faire, par exemple. Simplement. Mais c'est pas ça que Dieu m'a dit. Quand Dieu te parle, puis qu'il dit, c'est sûr, c'est certain, c'est irrévocable, c'est inchangeable, c'est là. Et c'est, on ne peut pas faire rien avec ça. Okay? La deuxième chose que ça fait, c'est « Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. » La crainte, c'est quoi? C'est un sentiment. La crainte, c'est un sentiment. Mm-hmm. Moi, je trouve ça toujours drôle quand les gens disent « Ah, il a su ses émotions, il écoute ses émotions. » Je n'accepte pas ça, parce que c'est pas une vérité pour moi, ça. C'est même pas psychologiquement vrai pour moi, ça, dans ce sens-là. Les émotions, c'est des systèmes d'alarme, ça. C'est des façons, c'est des bruits. Mon ordinateur, quand je fais une manœuvre, bon ou mauvais, il fait tout! Il me dit, voici, tu as fait quelque chose que j'aime pas, ou tu as fait quelque chose que je veux, mais je fais un petit bruit pour t'avertir. J'ai une alarme, là. Si je fais trop de kérosène dans ma cheminée, s'il y a de la petite boucane, le sentiment, c'est l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vois un lion, je pars. La peur, c'est un sentiment. La peur n'est pas venue d'un air, elle n'est pas venue, j'ai peur, je me demande de quoi je pars. Non, il y a un lion qui m'a fait peur. Ce qui m'a fait peur, j'obéis pas à mes sentiments. Mes sentiments me disent, fuis, cours, va-t'en, fais quelque chose, tu vas te faire manger. Okay? Les sentiments, c'est un des moyens que Dieu nous a donnés pour réagir à ce qui se passe. Donc, quelqu'un meurt, je peux avoir de la tristesse, c'est un sentiment. Mais j'aurais pas eu de tristesse s'il n'y avait pas eu l'événement. Là. Des fois, c'est un événement. Des fois, c'est des paroles que j'entends. Des fois, c'est des paroles que j'entends pas, que j'aurais aimé entendre, mais les sentiments, c'est toujours une réaction à des données qu'on reçoit, d'informations qu'on reçoit. On reçoit des informations. Et là, on a des émotions. La colère, c'est une émotion. La colère peut être bonne, peut être mauvaise. Mais la colère n'est jamais quelque chose que je peux contrôler. C'est ce qui a causé la colère que je peux contrôler. C'est comme, je ne peux pas arrêter d'éternuer. Mais ça ne donne à rien. Je suis malade à l'intérieur. J'éternue. Si je veux arrêter d'éternuer, il faut que je prenne quelque chose pour me soigner. Je ne peux pas soigner juste mes picots sur la peau. Il faut que je soigne ce qui cause les petits picots sur la peau. Et quand ici, ils ont eu un sentiment. Le sentiment qu'ils ont eu, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Et souvenez-vous, quand vous avez un sentiment, on est bien bon pour nier nos sentiments. M. Crabbe nous disait, vous refoulez dans la jambe gauche vos sentiments, jusqu'à temps que vous boitez. Ça ne marche plus. On ne doit pas refouler nos sentiments, on doit les accepter et dire, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je me sens triste? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi j'ai peur ce soir? Je suis dans mon lit, je pars. Pourquoi je pars? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Puis ces sentiments-là peuvent être vrais, ou ce qui cause les sentiments peuvent être vrais ou faux. Ça peut être imaginaire, ça peut être n'importe quoi. Mais pourtant, le sentiment reste le même. Je peux avoir bien peur de quelque chose qui n'existe même pas. Vous savez ça, hein? Vous l'avez probablement déjà vécu. J'ai déjà vécu. On peut s'en rendre malade d'avoir peur de demain qui ne va jamais arriver. J'ai peur que la semaine prochaine, j'ai peur ce qui va arriver. Je m'en rends malade, puis ça n'arrive jamais finalement. Oh, je me suis rendu malade pour rien. Mais vous, c'est, les sentiments sont causés par des choses qui sont là, soit qui sont vraies ou faux. Ils peuvent être bien ou mal. Je parle de moralement parlant, là. Le même sentiment peut venir, la colère peut venir par quelque chose de bien comme par quelque chose de mal. Et donc, le sentiment, on doit juste le reconnaître, dire, j'ai un sentiment, qu'est-ce qu'il vient faire? Il y a 5 minutes, je n'avais pas ce sentiment-là, maintenant je l'ai, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 5 minutes-là pour que j'arrive à ressentir ça? Et les autres ici ont dit, Dieu a parlé par le prophète Agée, leur a dit des choses, et là, la crainte est venue dans leur cœur. Pas la crainte d'Agée, la crainte de l'Éternel. Pourquoi vous pensez que ce sentiment-là leur donnait la crainte? Qu'est-ce qui a causé cette crainte-là chez les Juifs qui étaient là à ce moment-là? Mais c'est la foi qu'ils ont dans l'Éternel, s'ils croient qu'ils peuvent devenir mon père. C'est ça, il n'y a pas d'autre chose que ça. Ils connaissent Dieu. Et quand ils savent que Dieu, ils désobéissent à Dieu, Dieu va réagir. Mes enfants avaient peur de moi. Puis en même temps, des fois, ils n'avaient pas peur de moi. C'était les sentiments jouaient, dépendamment. Ils regardaient ma figure. Ils entendaient mon timbre de voix. Puis là, des sentiments qui venaient. Ils souriaient. Papa est pas vraiment. On a fait quelque chose de pas correct. Les autres, ils avaient fait quelque chose de pas correct. Là, Jésus leur dit, vous avez abandonné le travail de Dieu et vous êtes en train de vous emplir les poches et Dieu n'est pas content. Dieu vous dit, arrêtez ça et faites ça. Et la crainte de l'Éternel, ils savent que Dieu peut agir. Moi, quand je vois arriver un petit chien gros de même, je n'ai pas peur. Il a bien beau japper, je n'ai pas peur. Quand il pèse 150 livres, j'ai un peu plus peur. Hein? Parce que je sais que le petit ne peut pas me faire mal. Vraiment. Moi, je peux y faire mal. Le gros, il peut me faire mal. Donc, j'ai peur. Et la crainte, c'est un sentiment très positif. Dieu nous l'a donné pour nous sauver la vie. Si je n'avais pas peur, je me blesserais, je me ferais tuer. On dit ça, cet enfant-là est téméraire, il n'a pas peur de rien. Il a marché tout le succès, il a deux jambes cassées à quelque part. Mon gars, il est tombé dans un trou, là, il était téméraire quand il était en Asie. Puis ce temps-là, il n'a pas des hauteurs. Il a peur maintenant. Fait qu'il a expérimenté de la douleur, il a eu la mort proche dans sa vie. Donc, ils ont dit, maintenant, quand je suis en haut, quelque part, j'ai plus peur. Okay? Donc, la crainte, ça sauve la vie. Et la crainte de l'Éternel, on dit que c'est le début de la sagesse, parce que tout d'un coup, on réalise qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui est plus fort que nous, qui peut nous donner la vie comme il peut nous donner la mort. Donc, on a raison d'avoir la crainte devant un tel personnage. On a raison d'avoir la crainte. Et c'est pas négatif. Il y en a qui ont dit, on ne devrait pas avoir peur de Dieu. Ben, on a peur de nos femmes, ou on a peur de nos maris, on a peur de nos boss, on a peur de bien du monde. Pourquoi on n'aurait pas peur de Dieu si ça peut nous sauver la vie? Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Dieu est un bon Dieu, ben bonasse, puis il va laisser passer au ciel, puis c'est pas vrai. Mais il va avoir toute une surprise, mais qu'il va bon. Donc, la crainte, c'est quelque chose de positif. Donc, la crainte est venue par... Sont convaincus qu'ils ont péché contre Dieu. Sont convaincus qu'ils ont péché contre Dieu. Et cette crainte-là va les amener à faire une décision de changer. Dieu peut faire de quoi? Si on n'obéit pas, il va faire de quoi? Donc, on change. On change. Ils entendent la parole de Dieu. La parole de Dieu amène la crainte dans leur vie. Et cette crainte-là va les amener à bouger. Quand je vois venir le camion... J'ai peur qu'il me fasse mal, je me tasse. C'est la crainte. J'ai peur, je me tasse. Parce que je sais qu'il peut me tuer. Et Dieu parle, puis il dit, François, si tu ne fais pas ça, voici ce qui va arriver. Et là, je me tasse, je fais un changement. Donc, ce qui doit nous amener à faire des changements dans nos vies, c'est parce que ce qu'on est en train de faire n'est pas correct. Et on veut changer parce que Dieu peut intervenir. Parce que même si on est chrétien, là, on parle à des gens qui... On ne peut pas être certain s'ils étaient chrétiens ou pas, ces gens-là. Mais ils faisaient partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, dans ce cas-là, n'est pas toujours l'équivalent de croyant. Pas toujours l'équivalent. Parce qu'on sait qu'en Israël, c'est pas tout Israël qui était Israël, en tout cas, toute une histoire. Okay? C'est pas tout le monde qui était des Juifs qui était sauvé. Il y avait toujours juste un petit groupe qui croyait, vraiment. Et on le voit à des places... Dieu parle à Israël, puis il dit, vous êtes plus idolâtres que tous les idolâtres que je connais. Donc, il dit, je vais vous rejeter, puis en tout cas, il en meurt par 100 000, par million, des fois. On voit, même au déluge, après, il y en a qui meurent, puis ça meurt, autour de Babel, puis tout ça. C'est toutes des choses qui arrivent, que Dieu démontre qu'il est insatisfait avec ces gens, qui ne croient pas en lui, des gens qui n'obéissent pas, des gens qui veulent rien savoir de lui, dans le fond, qui n'ont pas confiance, qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Donc, quand nous, on décide de faire un changement, on dit, bien, Dieu m'a montré, parce que les autres changements qu'on veut faire dans nos vies, c'est des affaires personnelles. Si ce n'est pas quelque chose que Dieu m'a dit, pourquoi je changerais? Pourquoi je suis un frais de maison? Pourquoi je déménage un frais de l'autre bord et à ce bord ici? Pourquoi? Si Dieu ne m'a pas dit de déménager. Je fais un choix personnel, puis j'ai correct. C'est fait mon choix personnel. Je juge, puis je considère, puis je regarde tout ça pour remplir les besoins personnels, familiales. Je prends des choix, mais je ne pourrais pas dire Dieu m'a dit de changer de côté de la vie. Dieu ne m'a pas dit ça. J'ai juste agi à partir de ce que je connaissais qui était le mieux. Donc, mais quand, si Dieu m'avait dit, François, c'est péché ce que de vivre dans la maison bleue, hein, change, va dans la maison rouge. J'aurais fallu que je me tasse. J'aurais fallu que je réagisse là. Soyons toujours sûrs, quand on veut faire un changement dans notre vie, et quand on a fait le changement pour être sauvé, c'est la crainte en grande partie qui nous a poussé à l'action. Que si on ne se convertissait pas, si on ne se repentait pas, il y avait une conséquence négative. C'était la condamnation pour l'éternité. Donc il y a une crainte qui est venue. Il me dit, wow, je change de quai. Je m'en vais du côté de Dieu. Okay, donc, c'est cette même crainte-là qui nous a poussé à agir. Si on a dit, oh, c'est pas vrai, ça n'arrivera jamais, Dieu est bon, tout le monde s'en va au ciel, tu sais, on n'aurait pas eu la crainte. Est-ce qu'on aurait fait, on n'a pas bougé. On aurait resté là où ce qu'on est. Où ce qu'on est, on n'a pas bougé. Mais la crainte de l'Éternel nous a fait bouger de côté. Et on a tourné vers Dieu. Une troisième chose qui va les aider à bouger, au verset 13, c'est une promesse de Dieu. Mm-hmm. Dieu dit, je suis avec vous. Si vous entreprenez de bâtir la maison, je sais que ce ne sera pas facile, je sais qu'il y a des ennemis, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas que vous le fassiez, je sais qu'il y a pas qu'à d'affaires, non. Vous avez toutes les raisons que vous voulez, je suis avec vous. Mm. T'es encourageant, ça? Mm. T'es encourageant? Dieu a dit à ses disciples, quoi? Allez par la terre entière, hein, faites des disciples. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même promesse. Dieu nous envoie et dit, je vais avec toi. Vas-y mon François, je vais avec toi. Je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à temps que tu meurs. Je serai avec toi. Donc, il ne nous lance pas tout seul dans le travail qu'il nous demande de faire. Il dit, je veux que vous bâtissiez mon temple, mais je suis avec vous là-dedans. Et quand Dieu est avec nous, dans ce que nous faisons, nous gagnons. C'est sûr et certain. Nous gagnons toujours. Quand Dieu est avec nous, je vous garantis que le temple, ils l'ont bâti. Ça a pris quelques temps, hein, mais ils l'ont bâti. Quand Dieu est avec quelqu'un, ça marche. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Hein, on chante ça avec les enfants. Avec Dieu, on est toujours vainqueur. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous, celui qui est dans le monde. Donc, quand Dieu est avec nous, ça veut dire que ce qu'on fait est correct parce que Dieu ne sera pas avec nous, on ne fera pas. Donc, Dieu dit... Ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont eu la crainte de Dieu, puis ils ont eu une promesse qui est venue avec ça pour dire, « Hey, je vais être avec vous autres, et je vais vous soutenir, je vais vous donner ce que vous avez besoin, puis je vais vous accompagner dans ce que je vous demande de faire. » Donc, dans notre vie en tant que chrétien, c'est la même chose. Dieu a fait des promesses à l'Église. Et il faut faire attention entre nos désirs et les promesses. Faire attention entre les déclarations de Dieu et les promesses. Hein. Il y a des différences entre les deux. Une promesse, c'est une promesse, c'est inconditionnel. Dieu a dit, je reviens vous chercher. C'est inconditionnel. C'est une promesse. Hein. Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est inconditionnel, c'est une promesse. Hein. Dieu n'a pas dit, si vous êtes gentil, si vous faites ceci, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous tous les jours, bon, mauvais jour, puis mauvais été, tempête, pas tempête, il est avec nous. Donc, une promesse. Là. Et le 14, Dieu réveille l'esprit des gens qui vont passer à l'action. Dieu réveille. Et là, ils ont une crainte qui vient, et ils veulent faire de quoi, mais dans la nature humaine, on ne peut pas faire de quoi. On ne peut pas passer à l'action. Pas nous-mêmes. On n'est pas capable. Donc, Dieu dit, oui, j'avais une bonne attitude, je vous ai fait une belle promesse, maintenant, il va falloir que je fasse de quoi? Et là, l'Esprit de Dieu vient dans ces gens-là, dans notre ami Zorobabel, puis dans notre ami Jotzadak, et dans tout le peuple, l'Esprit de Dieu va venir, puis va les convaincre, puis va les fortifier, puis va les remplir, puis ils vont passer à l'action. L'être humain ne peut pas passer à l'action par lui-même. Il en est incapable. Il ne peut pas décider de changer de priorité. Il y a la crainte, mais il n'y a pas le vouloir. Il y a un verset qui dit dans le Nouveau Testament, et c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et on ne peut pas. Un mort est un mort. Un mort est un mort. Il ne peut pas changer. Et donc, Dieu... il y a un bel exemple dans l'Ancien Testament, c'est que avec Ézéchiel, je pense, Daniel... pas c'est Ézéchiel. Dieu met Ézéchiel, le prophète, devant une vallée. Et dans la vallée, il y a juste des ossements. Juste des os de mort. Il dit, ces os-là, peuvent-tu se lever, mon Ézéchiel? Ces os-là, peuvent-tu se lever? Fait de quoi, là? Ils peuvent-tu avoir la vie, là? Ézéchiel dit, ben non. Et Dieu souffle. Et les squelettes se lèvent. Puis la chair se met à l'entour. Puis il y a une armée. Ils peuvent pas. C'est un exemple. Que l'être humain ne peut pas. Quand Dieu parle au peuple, je suis avec vous, mais je vais agir. Puis je vais vous faire capable. C'est pas facile pour nous de tirer la ligne entre la volonté de Dieu et ma volonté personnelle. Et une chose est certaine, si Dieu bouge pas, vous ne bougerez pas. Mais quand on bouge, on a la certitude, puis c'est une bonne certitude, qu'on a fait un choix. On a fait un choix. J'ai décidé d'accepter le Seigneur. J'ai fait un choix. Mais je sais que ce choix-là, je suis obligé de donner gloire à Dieu pour l'avoir fait. Parce que c'est lui qui a réveillé mon esprit pour que je fasse le choix. Et donc, c'est pas quand on appelle les gens à se convertir, quand Dieu appelle les gens à abandonner leur maison et à le faire à la maison de Dieu, il appelle à leur volonté. Mais il doit venir pour réveiller les esprits de ces gens-là. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'Esprit Saint, il se promène dans le monde, puis il veut quoi? Convaincre de justice, de péché et de jugement. L'Esprit Saint se promène, puis il veut convaincre les gens. S'il ne fait pas ça, on prêche pour rien, on prêche un dépôt de téléphone, ça va faire la même affaire. Donc ici, il y a un changement, et ce changement-là, il est entamé de la bonne façon. Ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont eu la crainte devant la parole de Dieu, ils ont cru la promesse que Dieu va être avec eux autres, et Dieu les réveille, puis ils se lèvent, puis ils vont. Donc ça, c'est le changement que Dieu désire. Attention, ici, on n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Le changement peut être temporaire. OK? Le changement peut se faire pour une journée, pour deux jours, et puis changer. Donc, c'est faire attention. C'est pas toujours pareil. Donc, c'est nous, dans la Nouvelle Alliance, c'est mon esprit va venir sur vous éternellement. C'est pas pareil. Le changement pour nous, le changement pour, dans la Nouvelle Alliance, je devrais dire, est irréversible. Quand il est enclenché, il ne peut plus changer de bord. Dans l'Ancienne Alliance, c'était pas pareil. L'Esprit de Dieu pouvait venir sur quelqu'un pour une journée, c'était fini. Pour une semaine, c'était fini. Pour un mois, c'était fini. Il pouvait venir sur Agé, Agé se levait pour aller parler au peuple, puis le lendemain, il retournait tirer ses vaches. Mm-hmm. C'était fini. Une chose, c'est pas pareil, tout à fait. Mais le principe qui reste le même, c'est que l'Esprit de Dieu vient pour qu'on bouge. Donc, ça, c'est le changement. C'est ce qui s'est passé pour que ces gens-là passent d'une priorité secondaire à la vraie priorité qui était de bâtir la maison de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui dans l'Église. Les gens qui vont se lever et qui vont bâtir le temple de Dieu, qui vont bâtir l'Église avec Jésus-Christ, ont passé par les mêmes étapes. Ils ont entendu la parole, ils ont eu la crainte, Dieu leur a fait une promesse, Dieu a eu son Esprit Saint puis il les a transformés. Et on s'est levé, ceux qui se sont levés, et on a commencé à bâtir avec le Seigneur. Et pour ceux du Nouveau Testament, quand on se met à bâtir, on se met à bâtir pour toujours. Il n'y a pas de revenu ici, jamais. C'est ça la grande différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est une décision irréversible. Parce qu'il y a un changement de cœur. Pas juste l'esprit qui vient dans le cœur, mais un changement de cœur. Là, l'Esprit venait dans le cœur, réveillait ces gens-là. Il ne transformait pas le cœur de ces gens-là comme il l'a fait pour nous autres. C'est ça la nouvelle. C'est ça la grande nouvelle de la nouvelle alliance. Une plus grande alliance, une meilleure alliance. Il disait, j'avais écrit mes lois sur des tables de pierre, maintenant j'écris mes lois dans le cœur des gens. J'habitais dans un temple, maintenant j'habite dans le cœur des gens que j'ai sauvés et régénérés. Beaucoup plus grand, la nouvelle alliance, beaucoup plus grand. Donc on n'a rien envié à Moïse ou à Abraham ou à David ou à Salomon. On est avantagé dans la nouvelle alliance mille fois plus que les autres. Mille fois plus que les autres. Donc, pour nous autres, on prend ça pour nous. Les changements, avant de faire un changement, on doit toujours se poser la question, est-ce que ça vient de Dieu sur cette affaire? Ça veut dire que je ne peux pas faire un changement si ça ne vient pas d'un verset de la parole de Dieu. Je peux faire un changement pareil. Mais c'est un changement que je fais et que Dieu me donne la liberté de faire. Okay? Mais quand ça vient de Dieu, ça vient pour tous les croyants. Un principe, je vais vous le répéter encore une fois, un principe biblique, ça s'applique à tous les croyants de toute l'histoire de l'Église. Peu importe dans quelle année, dans quelle race qu'on est, quel âge qu'on a, un principe de Dieu, c'est valable pour tout le monde. L'application de ça, ça va jouer. Okay? Avec l'âge que j'ai, avec le sexe que j'ai, avec les dons que j'ai, avec le tempérament que j'ai, avec la personnalité que j'ai. Mais l'absolu reste absolu pour tout le monde. Hein? Donc, Dieu dit, tu ne voles pas, François. C'est valable pour tout le monde. Donc, si je fais un deal monétaire, je ne vole pas. Et le fait que je ne veux pas voler, ça se peut que je perde quelques sous. Mais je ne vole pas. Je ne devrais pas, en tout cas. Et si je perds tout mon argent parce que j'ai décidé d'être honnête, Dieu va s'arranger avec ça. Il y a un autre plan pour moi. Mais je ne dois certainement pas mentir pour garder mon argent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un absolu. Comment je vais faire ça maintenant? Les fantasmes vont le faire d'une façon, les intros vont le faire d'une autre façon, les jeunes vont le faire d'une façon, les boucles plus vieux peut-être. Mais on doit, tout le monde ne doit pas voler. Vous comprenez les principes? Il y a des absolus pour tout le monde. Mais ces absolus-là, on doit les mettre en pratique. Puis, le vieux chrétien, le jeune chrétien vont le faire différemment. Des fois, le jeune chrétien ne le sait même pas encore qu'il y a ce principe-là dans sa vie. Puis là, il va l'entendre. Et bon, il faut se laisser le temps. Puis, il faut voir que on ne peut pas tout changer la même journée, tout comprendre la même journée, mais ça n'enlève pas le fait que l'absolu reste absolu. Tu dis aux jeunes, le jeune qui dit, tu ne dois pas voler, le jeune chrétien, ben, il va peut-être avoir plus de misère. Okay? Il va peut-être planter une couple de fois avant de réussir à comprendre que ouais, j'ai pas perdu mon argent, mais ça m'a pas amené le bonheur, ça m'a pas amené la paix, ça m'a fait. J'ai gagné sur un bord, mais j'ai perdu sur l'autre bord. Bon. Donc, il va comprendre, puis tranquillement, il va saisir mieux les implications de ses choix. Mais ça ne l'empêche pas que c'est vrai, l'absolu est vrai. Dieu me parle, ça va causer un sentiment dans ma vie. Un sentiment. Des fois, quand Dieu me parle, ça peut m'amener à la paix, la joie, le bonheur, la sécurité. Des fois, ça peut m'amener la crainte. Des fois, ça peut m'amener l'angoisse, parce que je ne comprends pas. Okay? Je ne comprends pas ce que Dieu veut, puis là, ça m'amène de l'angoisse. Je ne comprends pas pourquoi il me demande de faire ça. Mais il me l'a demandé, puis je ne comprends pas. Donc, il y a toutes sortes de sentiments, mais ça vient de Dieu. Et là, on se rappelle que si Dieu nous a demandé de faire quelque chose, il va être avec nous dans ce qu'il demande de faire. Puis il va nous donner, par la puissance de cet esprit, les capacités de le faire. Parce que la chair ne peut pas. Même la chair régénérée ne peut pas le faire sans l'aide de cet esprit. Je serai avec vous et je vais vous aider à faire ce que je vous ai demandé. Autant je vous ai demandé à faire avec vos enfants, avec vos maris, avec vos conjoints, au travail, je vous ai demandé de faire certaines choses, je vais être avec vous pour le faire. Donc, il ne nous demande jamais quelque chose, puis s'en aller, puis nous laisser là en plein. Il nous a toujours à faire. Donc, ces changements-là sont valables, puis sont à la gloire de Dieu à ce moment-là. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci de cet exemple que tu nous donnes ce soir, des changements que tu veux qu'on fasse au niveau de notre intelligence, parce que tu nous dis de renouveler notre intelligence. On ne peut pas changer notre cœur. Notre cœur a été changé par un miracle de Dieu. Mais tu nous dis de transformer notre intelligence. Et quand notre intelligence est transformée, nos actions vont l'être. Nos gestes vont l'être. Nos paroles vont l'être. Nos sentiments vont changer. Donc, Seigneur, quand on veut changer des choses, fait qu'on puisse se rappeler les principes qu'on a vus ce soir. En fait, que les changements soient à la gloire de ton nom. Et c'est ton nom, Jésus, qu'on te prie. Amen.